cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le grand king face à la Russie des tsars, le choc des empires. En 1764, l'abbé de Mably, un peu philosophe, un peu publiciste, publie le droit public de l'Europe fondé sur les traités conclus jusqu'en l'année 1740. Il nous apprend qu'après la paix de 1689 entre la Russie et la Chine, il était naturel que les deux nations convinrent d'un lieu neutre où les marchandises seraient portées. Les Sibériens ainsi que tous les autres peuples avaient plus besoin des Chinois que les Chinois n'avaient besoin d'eux. Ainsi, on demanda la permission à l'empereur de la Chine d'envoyer des caravanes à Pékin. Mais l'auteur précise, le voyage, le séjour et le retour de ces caravanes se faisaient en 3 années. Ah bah le chemin est long de Moscou à Pékin, dès lors les ambassades prennent du temps et les négociations tout autant. Marie-Dominique Even, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au XVIIe siècle. Nous nous plaçons à Pékin. Mais où sommes-nous? Nous sommes en Chine, mais quelle Chine? Oui, c'est important de faire une distinction entre la Chine, l'empire mandchou des Qing qui règne sur la Chine et qui a aussi sous sa domination des protectorats, des populations non Han ou non mandchou, donc c'est donc un empire. Là, en effet, vous avez parlé de nations, les deux nations se rencontrent. Il n'y a pas de nation, on est dans un empire et comme l'avait fait plus tôt, dans l'histoire de la Chine, des populations originaires de ces bordures entre cette Chine qui elle-même est assez réduite, hein, la Chine, si vous voyez la Chine des Ming, cette Chine à l'aube de la dynastie Mandchou des Qing, c'est la côte, ça fait une sorte de cercle, ça ne contient ni la Mandchourie, ni l'actuelle Mongolie intérieure, ni le Xinjiang, ni le Tibet du Nord, ni le Tibet, et oui, c'est pas le Yunnan était, voilà, c'était une Chine proprement dite. Ça, c'est la civilisation Han, des populations sédentaires, une culture et une civilisation prestigieuse et très connue et très riche qu'on connaît, et que les populations qui vivaient sur les marges, mais enfin qui avaient leur grand espace au-delà de la Chine, à l'ouest, au nord, et qui avaient les Russes beaucoup plus encore à l'ouest. Et donc ces populations, en fait, tenaient la Sibérie, tenaient l'Asie centrale ou la Mongolie actuelle. Et de Mongolie sont venus les Turcs, les populations turciques qui ensuite ont migré de plus en plus vers l'ouest. On les retrouve aujourd'hui en Anatolie. Et il y avait aussi des populations mongoliques, proto-mongoles. Et donc, ils apparaissent dans l'histoire vers le 9e, 10e siècle. Et en fait, vers le Moyen-Âge, vous avez déjà des populations mongols qui chassent ces populations turciques qui, elles, sont reparties, en particulier, se sont installées sur l'actuel Xinjiang et ont fondé un Khanat Ouïghour, parce que ces Ouïghours étaient avant en Mongolie. Ces populations, donc, tu sais qu'on sont partis plus à l'ouest ou plus à sud. Et les Mongols ont pris l'avantage, et des populations proto-mongoles. Donc, vous avez une dynastie, déjà, qui s'est installée sur le nord de la Chine, qui contrôle la Chine, qui est une dynastie disons mongoliques, proto-mongols, qui sont les Liao. Leur nom chinois est Liao, mais c'est une dynastie Khitan. Aujourd'hui, certaines de ces populations de Mandchourie descendent de ça. Ensuite, vous avez une population Tchourchette. Les Tchourchettes sont justement partie de ce troisième grand groupe de population qui est au nord de la Chine, les Tongous Mandchous, Tongous et Venk. Et les Tchourchettes sont un de ces peuples, donc qui sont les plus à l'est, qui sont installés sur la région de l'Amour et le Sud, et de ces populations d'Urchette va sortir un conquérant qui va aussi s'installer sur le nord de la Chine. Un peu plus tard, Gengis Khan va arriver, va chasser ce conquérant, donc Tongous de Mandchou, d'Urchette, qui avait fondé une dynastie, la dynastie des Tin, va le chasser et lui-même récupérer la Chine du Nord, récupérer, comme on le sait après avec Kubilai et Ogedai, la Chine du Sud, et s'étendre encore et faire le grand empire mongol. Ensuite, les Mongols refluent sur la Mongolie, ils sont chassés par les Han qui refluent donc cette dynastie d'origine mongole, mais ils restent puissants et ils restent sur le territoire de la Mongolie et autour. Et ils se séparent, les Mongols de l'Est, les Mongols de l'Ouest, ils restent très puissants. et s'installe une dynastie chinoise. Et c'est cette dynastie des Ming qui est en place jusqu'à 1644 et qui est menacée sur le nord par un nouveau groupe d'origine Tungus-Manchu, donc de ce groupe-là, qui s'appelait au départ, qui était des Djurchètes, peut-être pas exactement les descendants en lignée patrinaire, mais ce sont des gens très proches. Et ces Djurchètes étaient déjà installés plus au sud, parce que la présence de ces populations proto-mongoles, Djurchètes-Mongoles, avait quand même commencé à sédentariser des populations et à faire venir des populations Han dans ces régions-là. Voilà, donc il y avait déjà une Mandchourie qui était un petit peu sinisée, qui avait déjà une présence Han dans des villes. Et ce sont ces la présence de ces Chinois longuement installés là, qui étaient à la fois qui parlaient chinois, mais qui parlaient aussi mandchou du fait de la présence mandchou importante, qui a permis, qui a facilité la conquête par le fondateur de la dynastie Qing, Nurashi, qui lui a permis plus facilement de prendre le pouvoir, de s'installer et de fonder en 1640, enfin, de prendre le trône en 1644, au milieu du XVIIe siècle. Voilà, bah, écoutez. C'est un peu long, désolé. Non, mais en vous demandant quel est l'état de la Chine, je ne m'attendais pas à avoir ce panorama, mais panorama passionnant parce que il y a dans cette réflexion deux choses. Déjà, des peuples différents dès qu'il est question de la Chine, et puis ces mots que vous avez utilisés, Marie-Dominique Event, bordure, marge, région. Aujourd'hui, bien sûr, nous parlons de frontières, mais au XVIIe siècle, la notion même de frontière n'existe pas. Thierry Sarment, bonjour. Bonjour. En réfléchissant à la Russie et à la rencontre avec la Chine, bien sûr, tout de suite, cette idée même de frontière est à mettre de côté, mais c'est une réflexion même plus générale. Dans un premier temps, la Russie, comme la Chine, s'étendent vers des régions où il n'y a pas de frontières, et c'est en se rencontrant qu'ils vont devoir créer une frontière. Mais auparavant, chacun cherche à mettre la main sur des populations nomades, comme il a été dit, à leur imposer le tribut. L'empereur Manchu, Kangxi, il veut être à la fois empereur des Chinois et des Manchus et grand khan des Mongols. Et tandis que du côté russe, dans un premier temps, il y a une ambition commerciale, et puis on va rencontrer cette Chine Manchu en expansion. C'est deux expansions qui se rencontrent en 1689. Avec un intérêt commercial, vous venez de le dire, Thierry Sarment? Un intérêt commercial notamment de la part des Russes pour les produits de la Chine. Et puis, des deux côtés, il y a l'intérêt pour les fourrures. Les fourrures, c'est le pétrole de la Sibérie. Et chacun veut prélever le tribut en fourrure sur les populations sibériennes. Les Russes connaissent la Chine? Ils la connaissent, mais mal. Ils ont une vision. Effectivement, il a été dit qu'il faut 3 ans pour l'aller-retour entre Moscou et Pékin, et donc ils connaissent un peu la Chine, mais mal, ils en ont une vision un peu confuse. Et de même, les Chinois connaissent la Russie, mais la connaissent confusément. Marie-Dominique Event, et à l'inverse, les Chinois connaissent-ils les Russes? Alors ils voient arriver des gens là-bas, y a-t-il une connaissance déjà de ce territoire lointain? Bien, il est clair que les Chinois ont connu la Russie à l'époque de l'empire mongol, hein, puisque l'empire s'étendait. Et c'est à l'époque de cet empire mongol que des relations, des sortes de cet empire globalisé, d'une certaine manière, qui a permis des relations commerciales, des échanges très importants au XIIIe, XIVe siècle. Donc, la Chine avait eu ces échanges. Il y a des échanges même plus anciens, bien entendu, avec l'Occident. Mais les relations à l'époque des Ming, c'est plutôt Yongle, c'était Zhangre, c'était des conquêtes vers la mer, des découvertes vers la mer, et pas tellement vers l'intérieur des terres. C'était une dynastie proprement chinoise qui a pas la même fibre impériale que les empires des steppes. Les Mandchous pouvaient connaître, les Mandchous étaient en relation eux-mêmes avec des populations mongoles, mais petit à petit, à partir du XIVe siècle, ils ont été en contact avec ces premiers Cosaques, ces premiers Russes qui installaient des forteresses. Et les Chinois eux-mêmes, à l'époque, à la fin des Ming, n'avaient pas de relation directe. C'était plutôt les populations qui étaient entre Russes et Chinois, qui avaient des relations directes avec les uns et avec les autres. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire avec nous, Aurore Dumont, bonjour. Bonjour. Quelles sont justement ces populations qui se trouvent entre la Russie et la Chine? Et j'utilise des mots simples pour que l'on comprenne. Et il y a évidemment, dans le territoire qui est aujourd'hui la Mongolie, pour le dire aussi simplement, des populations. Quelles sont-elles? Alors, on a beaucoup de populations autochtones qui sont donc ni russes ni chinoises et qui sont établies de part et d'autre de la frontière sino-russe. Ces populations ont été intégrées lors de l'Empire mandchou dans le système des huit bannières. Enfin, certaines populations ont été intégrées dans le système des huit bannières. C'est l'armée, hein, huit bannières. Donc oui, il y a, alors il y a les mandchous, il y a les différents peuples, les différentes ethnies représentées par ces. C'est ça. Le système des huit bannières, c'est une organisation à la fois politique, militaire, administrative, qui a été créée par les mandchous au XVIIe siècle, et dans laquelle ont été intégrées beaucoup de populations différentes, les Évinques, les Daours, mais aussi les mandchous et certains chinois. C'est une question assez complexe, donc je ne suis pas spécialiste de cette question. Donc on a de part et d'autre de la frontière russo-chinoise des populations qui sont similaires, mais séparées par une frontière géopolitique qui n'est pas reconnue comme telle par ces populations, puisque la plupart d'entre elles, à l'époque, étaient nomades. Donc être une population nomade, ça veut dire chercher de nouveaux pâturages au-delà des frontières géopolitiques. Et on sait que la frontière entre la Russie et la Chine, en tout cas certaines portions de la frontière, étaient poreuses et permettaient des migrations très importantes jusqu'au début du XXe siècle, voire au-delà. Oui, et encore aujourd'hui, bien sûr, cette histoire demeure pertinente. Nous réfléchissons à ces relations entre la Russie et la Chine au XVIIe siècle. Attention, attention, pour que tout soit clair, petit rappel, les bases. L'Europe s'est acharnée sur Louis XIV. À sa mort, elle va découvrir qu'à l'Est, il y a du nouveau. Mais retournons de quelques années en arrière. Voronej sur le Don. À 700 km de là, Moscou, où le jeune tsar Pierre vient de faire son entrée solennelle. En 1689, le souverain a 17 ans. Et au Kremlin et ses fastes, il préfère le faubourg des étrangers et la joyeuse vie avec ses amis écossais ou suisses. La Russie est alors un des pays les plus arriérés qui soit. Pas un savant, penseur ou philosophe, pas un géomètre. Une église illettrée, une administration vénale et anarchique, une noblesse arrogante et jouisseuse, une armée archaïque. Une justice illusoire, piètre bilan. Tu n'as pas vu ma hache ? Quelle hache ? Le dessin animé, il était une fois l'homme, c'est une véritable madeleine d'entendre cette voix qui évoque cette période de Pierre le Grand, Thierry Sarment. Oh, le panorama est sombre. Là, c'est l'arrivée de Pierre le Grand au pouvoir. Nous nous situons dans une Russie très particulière. Alors, le panorama n'est pas tellement exagéré, ça correspond assez bien à la réalité des choses. Même s'il y avait une première occidentalisation à la cour avant Pierre, puisque notamment on faisait venir des produits de luxe d'Occident, il y avait aussi des Ukrainiens qui étaient venus apporter un peu de culture latine au clergé orthodoxe de Moscou. Mais c'est évidemment avec Pierre que la Russie va se tourner vers l'Europe et commencer une expansion impériale tous azimuts. En 89, il y a un changement de régime à Moscou, où c'est Pierre qui prend le pouvoir, mais les contacts avec la Chine ont été initiés avant qu'il prenne le pouvoir. On voit toujours cette distance entre le moment où les contacts sont pris, et puis le temps d'aller à la frontière, il y a eu un changement de régime à Moscou. C'est en fait la régente Sophie, sa demi-sœur, qui gouvernait avant qu'il prenne le pouvoir, qui a initié cette ambassade des Russes qui vont au contact des Chinois et qui arrivent à ces négociations de 1689. Oui, parce que nous avons, avec Pierre le Grand, ce double regard d'un côté vers l'Ouest, vers l'Occident, et les ambassades de Pierre le Grand dans toute l'Europe. Les deux ambassades, dont une le conduit à Versailles, évidemment ont été beaucoup commentées, mais il ne faut pas oublier, dès qu'il est question de Pierre le Grand, que l'autre regard se tourne vers l'Est, vers la Sibérie et peut-être au-delà. Et c'est le premier, on peut dire que Pierre est le premier chef d'État à avoir une vision de géopolitique globale. Donc on sait qu'il a cherché à s'étendre vers la mer Noire, vers la mer Baltique. Mais il y a aussi les missions qui vont amener la découverte du détroit de Bering. Et puis même, il pense déjà à l'Amérique, il pense déjà même à envoyer une mission à Madagascar. C'est dire qu'il a des ambitions sans limite. Et il arrive en Sibérie, enfin il, pas lui, mais enfin les Russes arrivent en Sibérie. Vous nous l'avez bien dit, Thierry Sarment, ils ne connaissent pas grand-chose de la Chine, c'est encore un territoire lointain. Comment se passe cette rencontre, au sens où à quel moment il devient nécessaire de mettre en place une limite? Parce que tant qu'il s'agit de commerce, il y a des rivalités, des tensions, mais à un moment, il y a nécessité. L'initiative de négociation, elle revient à l'empereur Kangxi. puisqu'il s'inquiète de voir des postes fortifiés russes à s'installer sur le fleuve Amour, ce grand fleuve qui mène à l'océan Pacifique. Donc c'est lui qui écrit en 1685 au tsar de Moscou, et le temps du voyage et de la mise en place, il faut 4 ans pour que la rencontre ait lieu, donc dans la ville de Nertchinsk, entre une ambassade manchoue, sino-manchoue, conduite par un oncle d'empereur, et de l'autre côté par une ambassade russe conduite par un monsieur qui s'appelle Golovin, qui va devenir plus tard une sorte de premier ministre de Pierre. Et les discussions ont lieu en latin, puisqu'il y a des jésuites, deux pères jésuites, un français et un portugais, qui accompagnent les Chinois. Et les Chinois, enfin les sino-manchous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, on exclut, il y a deux exclus, qui sont les Chinois à proprement parler, puisque ce sont les Manchous qui dirigent les opérations, et ce sont les Mongols. On aurait pu négocier en mongol, puisque de chaque côté, il y avait des traducteurs parlant le mongol. Et le latin a été préféré parce que dans cette affaire, l'objectif de l'empereur est double, à la fois d'éloigner les Russes de l'amour, mais aussi d'éviter que les Russes s'allient aux Mongols Dzungar, qui sont des Mongols de l'Ouest, qui deviennent menaçants pour lui, puisque lui veut être grand camp des Mongols aussi. Et donc il ne veut pas qu'il y ait de puissance mongole qui se crée à côté de la sienne. C'est très intéressant. L'enjeu, il est double pour les Manchous et pour les Russes. Utiliser le mongol comme langue de traduction, étant donné que nous sommes sur des peuples qui se trouvent entre Russes et Chine et qui peuvent maîtriser les deux langues, ben c'est pas ça qui est choisi, c'est l'utilisation du latin. Marie-Dominique Even, pour l'empereur en Chine, donc un Manchou, il y a vraiment l'obligation de contrôler cette frontière, mais toujours, alors j'utilise le mot frontière, mais on sait bien que nous sommes sur des marges mouvantes, mais toujours avec cette idée que ce n'est pas un intérêt majeur de commercer avec la Russie. C'est pas tellement ça l'idée, c'est plutôt conforter cet empire du milieu. Disons qu'on est, comme je rappelle, dans un empire manchou. C'est donc un état manchou qui règne sur la Chine. Donc il y a déjà beaucoup de satisfaction déjà de contrôler toute la Chine. Le nord de la Chine est rapidement conquis puisqu'il y avait déjà à la faveur de révoltes et d'insurrections, les Ming sont très affaiblis et on va même faire appel aux Manchous, qui étaient pourtant un peu menaçants dans cette région-là, pour éviter que ça soit le leader d'une révolte populaire. Alors là, ça aurait été pour les élites chinoises, c'était encore inacceptable. Ils ont fait appel à eux, donc c'était après facilement, ils ont été facilement installés. Ils avaient Chinois déjà installés en Mandchourie qui leur ont aussi servi de cadre très tôt et qui ont permis une plus facile intégration avec les populations chinoises plus au sud. Là, ça s'est fait plus lentement. Mais ils n'avaient pas besoin vraiment, en effet, de ce commerce, mais en même temps, ce qu'ils n'aimaient pas et ce que n'aimaient pas non plus leurs cousins mongols, leurs voisins mongols, et dont certains étaient déjà devenus leurs sujets, étaient déjà devenus leurs alliés dans leur conquête. Ce qu'ils n'aimaient pas, c'était en fait cette présence russe qui était avant restée en Cisbaïkalie, puis hop, qui commençait à s'installer en Transbaïkalie, de l'autre côté. Et il y avait de plus en plus de heurts entre les Cosaques d'un côté, les Mongols qui, eux, considéraient que ces régions, en fait, étaient sous leur contrôle. À l'époque des Yuan, c'était des Mongols. Et ensuite, les descendants des Mongols de Gengis Khan ont continué à contrôler ces populations-là. Donc, toutes les régions du côté du Baïkal étaient sous le contrôle de princes mongols, qui étaient installés plutôt sur la Mongolie. Donc, ils n'aimaient pas du tout ça. Et ils avaient à la fois, parfois des échanges, parfois, ils allaient s'appuyer sur l'empereur Manchou, parfois, au contraire, ils se disaient, peut-être, vaudrait mieux aller voir si du côté des Russes, on peut pas avoir un petit peu d'aide pour éviter que les Manchous deviennent trop puissants. Il y avait une rivalité très forte entre les deux qui était assez puissant. Mais l'intérêt pour les Manchous était avant tout de sécuriser cette frontière où les Russes étaient de plus en plus nombreux et installaient des forteresses sur les territoires qui pour les Mongols étaient les leurs et qui pour les Manchous devenaient les leurs puisque les Mongols devenaient leurs sujets et s'étaient ralliés à eux, donc ils étaient leurs sujets. Donc il y avait plutôt des questions de reconnaissance de cet espace qui devait être leur et le traiter de donc qui a été fait par les Mandchous et actif, en fait, vraiment très bien négocié et activement négocié par les Jésuites qui ont été très présents dans ces négociations. Et en fait, ça, ils ont parlé latin, mais le mongol était présent. C'était une langue lingua franca dans ces régions et même au XVIIIe siècle, le mongol était encore une langue dans laquelle étaient écrites les traités. Nous parlons de ce traité de Nertchinsk de 1689. Écoutons-le. Toutes les rivières et leurs affluents qui coulent du versant méridional de ces monts vers le fleuve Amour feront partie de la Chine. Et tous les cours d'eau sortant du versant opposé feront partie de l'Empire de Russie. Quant aux autres rivières, qui coulent entre la rivière Oudia, appartenant à la Russie, et les montagnes avoisinant l'Amour et faisant partie de l'Empire de Chine, lesquelles rivières se jettent dans la mer, ainsi que tout le pays compris entre la rivière Oudia, déjà citée, et les montagnes, ils resteront sans démarcation. Attendu que les grands et honorables plénipotentiaires de leur majesté tsarienne manquent d'instruction à cet égard et remettent la délimitation à un autre temps plus propice. Alors que les envoyés retourneront respectivement dans leur pays et leur majesté tsarienne voudront entrer en négociation avec sa majesté le Bodhikan à ce sujet. Et soit par des édits, soit par des commissaires nommés en cette circonstance, régleront à l'amiable la question des frontières du pays non limité. Marion Malenfant qui lisait un extrait de ce traité de 1689. Thierry Sarment, aujourd'hui nous parlons de ce traité car il est d'importance. C'est la première fois que la Chine d'ailleurs signe un traité, mais alors vraiment avec un voisin à égalité. Est-il si important que cela pour les contemporains? Est-ce vraiment pour Pierre le Grand, enfin pour ceux qui sont vraiment là à négocier, à réfléchir à ça, est-ce vraiment important ou est-ce quelque chose de complètement en marge? À l'époque, Pierre regarde dans une autre direction. Donc, c'est pas, sur le moment, un événement majeur. Après, il va se révéler que, à travers le temps, la position de frontière déterminée en 1689 va durer jusque vers 1860, au moment où la Russie absorbera de nouveaux territoires et s'étendra jusqu'au fleuve Amour. Et encore aujourd'hui, il y a toute une portion de frontière entre Chine et Russie qui correspond à la délimitation du traité de Nertchinsk. Oui, c'est très important parce que toujours se méfier de l'effet loupe hein, quand on parle d'un sujet comme ça, se dire ce traité de 1689, c'est essentiel sur le temps long, mais sur le moment aussi, Marie-Dominique Even, pour les Chinois, les Mandchous, la dynastie Mandchou, il vaut mieux préciser et faire la différence, c'est les Qing, les Qing. Voilà, avec les Qing en prononciation lourde et française. Pour cette dynastie, c'est aussi très important parce que cela rassure l'idée de ne pas avoir un ennemi face à elle. Oui, c'est important de quelque part délimiter cette expansion russe qu'ils sentent, alors que même ils sont à leur manière expansionnistes et tiennent à asseoir la domination sur les populations habituelles. Ce qui est aussi le cas, vous parliez de Pierre le Grand qui regardait ailleurs, mais c'est aussi le cas des Mandchous, parce qu'à l'époque, ils ont en effet rallié les Mongols orientaux, des descendants de Giscan, les Mongols centraux aussi ont été ralliés ou plus ou moins soumis. Donc là, la Mongolie est à peu près ralliée et les Mongols qui sont ceux qui vivent dans l'actuelle Mongolie, qui sont les Mongols rares, ceux-là sont en train de se rallier. Pourquoi? Parce qu'il y a en même temps la pression des Mongols occidentaux, qu'on appelle les Oirats, ou là le groupe en particulier c'était les Dzhongars, qui sont très puissants et qui tiennent vraiment l'Asie centrale. Ils tiennent non seulement l'Asie centrale, aujourd'hui le Turkestan chinois oriental, comme appelait le géographe, mais aussi l'autre, le Turkestan russe. Ils sont très très présents. Ils dominent le Tibet. Ces populations mongoles occidentales, Oirats, Dzhongars, dominent aussi le Tibet. On fait la politique en Tibet, ont conforté la place des Dalai Lama et unifié le Tibet. Donc ils sont vraiment extrêmement présents. Et c'est ça qui inquiète le plus les empereurs mandchous. Kangxi et puis plus tard Qianlong. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'enfin Qianlong, un autre grand empereur, pas le premier successeur mais qui a succédé après à Kangxi, arrive à mater enfin à écraser cet empire Dzhongar très puissant. Il sera aidé par des luttes internes, d'ailleurs intestines, entre Dzhongar qui lui faciliteront la tâche. Mais par exemple, au moment où on négocie, Russes et Mandchous négocient le futur traité de Nertchinsk, en fait, l'envoyé, l'ambassadeur russe Golovin, il est allé à Irkoutsk. Et les échanges se font avec des Mongols et des Mandchous. Ah, là. Et l'idée était de faire le traité à Selengix. Mais les Mongols occidentaux sont déjà là, sont déjà en plein au cœur des Khalkh. Ils sont sur place et menacent. Donc c'est pour ça qu'on a déplacé le traité de, qui était prévu au sud du Baïkal, a été déplacé plus à l'ouest, à Nerchins. Donc on voit que pour les Mandchous, ce qui les inquiète à ce moment-là, c'est cette puissance Dzongar, les Mongols occidentaux, qui sont extrêmement puissants, qui mettront beaucoup, beaucoup de temps à... apaiser et en fait à exterminer, c'est décimer au sens littéral. Oui, puis pour cette dynastie mandchoue, il y a les ennemis à l'intérieur même. Alors, est-ce une réalité ou est-ce seulement dans les films ? Général Yin, à votre succès. Je vaincrai ou mourrai, comme il se doit. Professeur Ho, le seigneur Koxinga, vous êtes très reconnaissant. S'il parvient à revenir avec son armée et à nous débarrasser des Mandchous, c'est à vous que reviendra le mérite d'avoir libéré Canton. Pour le pays et pour le peuple, on doit être prêt à tout donner. Les six braves qui vont être exécutés ont vécu l'enfer en prison. Ces barbares les ont torturés, mais ils n'ont pas faibli, ils ont gardé le silence. N'est-ce pas admirable ? Un extrait du film La 36e chambre de Shaolin de Lu Chang-liang, un film de 1978, alors qui évoque la lutte contre la dynastie mandchoue, toujours pour comprendre la nécessité pour les Chinois de signer un traité avec les Russes et pour les Russes de signer un traité avec les Chinois. Il y a aussi ça pour les Mandchous, c'est au moins régler une situation, ne pas multiplier les ennemis. À l'époque du traité de Nerchins, fin 17e, non, la Chine du Sud est apaisée, elle est conquise, la Chine du Nord l'était déjà, a été très rapidement, il maîtrise. Le gros problème, c'est vraiment ces Mongols occidentaux Dzongar qui sont une grande menace. Et le fait que les Mongols restent peut-être une menace, s'ils décident de se rallier aux Dzongar et finalement ils ont préféré ne pas être les sujets de leurs cousins mongols occidentaux et ont préféré se rallier à cet empereur mandchou qui leur promettait de beaux titres, des mariages avec des princesses. Donc ils étaient à un niveau très, vraiment très haut dans la hiérarchie de l'empire mandchou. Koxinga, c'est autre chose. Les premiers empereurs mandchous ont été de très bons empereurs. Ils ont appliqué parfaitement, pratiquement, les préceptes, en fait, des bons empereurs. Ils ont su intégrer les lettrés, bien gouverner, après des violences initiales, très bien gouverner le monde paysan, permettre à la Chine et la paysannerie de prospérer. Et en fait, ils ont été d'excellents, c'est ce que les jésuites appelaient des despotes éclairés, en fait. Ils les prenaient comme exemple. Donc, ils ont réussi à se concilier, finalement, la paysannerie et les lettrés, en rétablissant les examens à la chinoise et en les intégrant dans l'administration, pas dans les hautes sphères, sinon assez tard, mais dans l'administration. Donc, les Chinois étaient intégrés, bien payés pour éviter. Il y avait même des primes de probité. Donc, vraiment, Koxinga, c'est autre chose. Ce sont des révoltes qui se développent et qui vont se développer. Ça, c'est de la piraterie, en fait. En effet, ils ont été très très menaçants au point que les Qing, de manière très violente, ont fait vider les côtes du Kwantung et du Fujian. Ils ont vraiment vidé ces côtes-là, donc ils ont déplacé des populations de manière à ne pas permettre aux pirates de venir. Donc il y a eu beaucoup de violence dans la manière dont ils ont fait ça. Ce n'est qu'au, disons, au 18e siècle vraiment, 19e siècle, que la situation se dégrade terriblement. C'est un siècle terrible pour l'Empire mandchou, pour les populations chinoises. C'est le Taiping, les traités inégaux, voilà, le dépeçage de la Chine par les puissances occidentales, etc. Donc là, c'est la grande chute. 19e siècle, terrible chute. 19e siècle, c'est difficile siècle. Voilà, voilà pour la Chine, un siècle où les Occidentaux viennent se servir sur ce grand gâteau tel que cela est représenté. Thierry Sarment, là, à écouter ces noms de l'histoire chinoise, des noms majeurs, vous nous avez parlé de despotes éclairés, d'empereurs éclairés. Et nous avons ici, et on s'en rend compte, en tout cas moi le premier, une méconnaissance de l'histoire de la Chine, quand au même moment, un nom comme Pierre le Grand évoque tout de suite quelque chose. Mais on comprend la logique. Hein. Thierry Sarment, vous êtes conservateur général aux Archives nationales et vous avez publié la biographie de Pierre Legrand, et un destin incroyable d'ailleurs. C'est une lecture d'aventure. Et puis 1715, la France et le monde. Quand vous réfléchissez justement à la France, le monde, la Russie, le monde, la Chine a une place essentielle. Vous le dites, hein, que le plus important, c'est peut-être celui qu'on connaît le moins, c'est le chinois. Ou le mandchou, toujours précision. Alors pour la France de cette époque, fin 17e et début 18e, la Russie est très mal connue, puisque en 1705, il y a une lettre de Louis XIV qui demande à ses diplomates quelles sont les frontières de la Russie. Et c'est dire que c'est un pays très mystérieux. Paradoxalement, on est presque moins mal informé de la Chine grâce aux jésuites, puisque c'est le moment où les jésuites amènent tout un courant d'informations très détaillé sur la Chine et la Chine mandchoue et sa civilisation, avec de nombreuses publications qui vont s'étager tout au long du XVIIIe siècle. Et les jésuites, d'ailleurs, se prêtent à un parallèle entre Louis XIV et Kangxi, pour expliquer que c'est une sorte de Louis XIV chinois. Oui, voilà, c'est ça. On a toujours besoin de parallèles parce que ça exprime clairement qui est qui. Mais c'est un monde absolument passionnant. Je citais le titre donné à cette émission, hein, Le choc des empires. C'est une rencontre principalement entre des empires. C'est cette rencontre qui nous intéresse aujourd'hui. Le grand Qing, face à la Russie des tsars, le choc des empires. Ne touchez pas à ça, c'est le casque de Genghis Khan. Non, cette lance a appartenu à Alexandre le Grand. Non, non, non, non, non, non. Nous avons trouvé le sceau du dragon. Il est entre les mains d'un noble russe. Le tsar en personne, Pierre le Grand. Vous ne comprenez toujours pas où vous êtes. France Culture. Le cours de l'histoire. Dragon, je t'ordonne de voler jusqu'à moi. Xavier Mauduit. La légende du dragon d'Oleg Shtepchenko, russe, en 2019, un film évidemment. Dans ce film, d'ailleurs, il y a cet écho hein, entre la Russie et la Chine. Mais l'intérêt apporté à cette question est également sur tous ces peuples. Nous parlons des Russes, nous parlons des Chinois, des Mandchous, mais tous ces peuples qui sont... Eh bien, autour de la Mongolie, comment vivent-ils cette histoire-là? Sont-ils concernés par cette histoire-là? Aurore Dumont, sont-ils simplement pris en compte? Bien sûr, ils sont pris en compte, puisque les populations tungouses... Alors, il faut rappeler que, on le dit pas assez souvent, les Mandchous étaient aussi des populations tungouses. Donc, les dirigeants mandchous voyaient dans toutes ces populations autochtones qui étaient établies à la frontière sino-russe de potentiels alliés. Militaire, mais aussi économique. Je l'avais dit tout à l'heure, un certain nombre de populations étaient intégrées dans le système des huit bannières et elles ont joué un rôle vraiment fondamental dans la défense des frontières, puisqu'on s'est servi de ces populations autochtones pour empêcher d'autres populations d'entrer sur le territoire des Qing. Aurore Dumont, vous êtes anthropologue hein, et au CNRS et vous avez travaillé sur les Evinks. Sur les Evinks, oui. Les Evinks, qui sont-ils? Qui sont-ils? Alors, c'est une des populations, ce sont des nomades. Alors, ce sont des nomades, encore aujourd'hui, en tout cas certains groupes. Qui sont les Evinks? C'est une question assez délicate, puisque les Evinks sont connus et ont été connus au cours de l'histoire sous différentes appellations. Les Ting, les Nomais, les Solon ou les Daour. Puis le gouvernement communiste chinois les a catégorisés sous l'appellation d'Evinks. On peut dire aujourd'hui que finalement les Evinks sont des petits groupes de populations aux ethnonymes divers qui sont répartis dans toute la Sibérie et dans le nord-est de la Chine. Voilà, une population qui est connue, qui est présentée notamment par les anthropologues russes, mais chinois aussi. Mais en l'occurrence, celui qu'on va entendre, c'est un russe. Alors arrivés sur le sol chinois, les Evinks se considéraient toujours comme des sujets russes. Ainsi, en 1915... Peu de temps après la chute de l'Empire mandchou des Qing, l'anthropologue russe Shiro Kogorov, qui menait une expédition en Chine du Nord, notait à propos des Evinks « Leur centre administratif se trouve à la frontière sur les bords du fleuve Amour, où ils payent un tribut aux Russes. Ils se rendent régulièrement dans un village, appelé Prokovka, afin de se marier à l'église orthodoxe, baptiser leurs enfants, tenir des registres et faire du commerce avec les Russes. Bah oui, commerce avec les Russes. C'est Marion Malenfant qui lisait un extrait. Alors, de cette étude sur les Tungouses, ces Tungouses se situent, on va dire, entre la Russie et la Chine. Ont-ils une identité qui penche plutôt d'un côté ou de l'autre, ou alors pas du tout, ils ont leur propre identité Tungouse? Vous voulez dire à la période contemporaine? Alors, c'est vrai que vous avez tout à fait raison de le souligner. Nous disions qu'à la fin du XVIIe siècle, une frontière est mise en place. J'imagine qu'à ce moment-là, les traditions évoluent, les gens continuent à aller d'un côté ou de l'autre, vu qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de marge. Mais quand la frontière se dessine de manière de plus en plus nette, 18e, 19e siècle, comment vivent-ils? Respectent-ils la frontière? Peuvent-ils passer et continuer leur style de vie? La frontière peut être franchie sur certaines portions, puisqu'elle est très longue, donc elle ne peut pas être protégée partout. Mais ce qui ressort des travaux, c'est que finalement, les évinques, qu'ils soient du côté chinois ou du côté russe, partagent une identité commune par leur langue, leur style de vie. Et on a aujourd'hui, quand les évinques de Russie et de Chine se rencontrent, en tout cas certains groupes, il y a vraiment la volonté de dire que nous sommes un même groupe, même si nous sommes aujourd'hui séparés par une frontière géopolitique. Et cette frontière a eu une incidence sur leur histoire quand elle s'affermit de plus en plus. Et là, nous pouvons faire un saut dans le temps et arriver au XXe siècle, avec le monde soviétique, cette frontière complètement, qu'on imagine beaucoup contrôlée en tout cas. Est-ce que ça a une incidence pour eux, la révolution russe, enfin la révolution bolchevique en Russie? Alors après la révolution d'octobre, beaucoup de groupes fuient la Russie. Ce sont pas seulement les évinques, mais aussi des bourriades, des ramniganes et d'autres populations autochtones qui fuient donc le nouveau régime bolchevique et s'installent du côté chinois. Et chez les évinques qui ont fui aussi la Russie, ces populations se retrouvent auprès de populations russes qui elles-mêmes avaient décidé de franchir la frontière au cours du 19e et du début du 20e siècle. Donc finalement, les évinques, on a entendu sur le petit enregistrement audio, ces populations évinques qui migrent de Russie pour s'installer en Chine retrouvent finalement un cadre russe avec ces populations russes qui sont installées aussi dans la région chinoise. Un monde qui est nomade, qui se voit confronté à la notion de frontière et de grande puissance, la Russie d'un côté, la Chine de l'autre, berceuse et vainque. C'est une berceuse évinque dans un album Les chants rituels des nomades de la taïga. Dans cette histoire qui nous intéresse, nous sentons qu'il y a des volontés de puissance, d'hégémonie de la Russie d'un côté et volonté pour la Chine de contrôler sa frontière. Les peuples sont pris en compte. À partir de quel moment, Marie-Dominique Even, peut-on dire que cette notion de peuple est prise en compte par le pouvoir? À quel moment l'idée d'une frontière qui va poser un problème parce que elle superpose des peuples est une question? Ou alors, vous allez me dire, ça n'a jamais été un souci. Les populations qui vivent entre Russie et Chine proprement dite sont des populations, comme l'a dit Aurore Dumont, sont des populations qui se déplacent, elles sont mobiles, elles sont nomades, elles sont plus ou moins guerrières, plus ou moins organisées en petits groupes ou bien en grands groupes de pastoralistes, mais aussi très guerriers, et ils se déplacent beaucoup. Pour parler de peuple dans ces populations, on parle des gens. Le mot oulous que vous devez connaître à travers la Russie, en fait, il désigne au départ des gens et non pas des territoires. Les territoires peuvent bouger. Et on voit par exemple des Mongols de l'Ouest qui, au début de ce fameux XVIIe siècle, vont rejoindre, parce qu'ils ne souhaitaient pas tomber sous le joug de leurs cousins mongols occidentaux qui étaient à ce moment-là les plus puissants, ils préfèrent s'éloigner, ils partent vers l'endroit où sont les Kirghiz Kazakhs, et puis ils vont jusqu'à l'embouchure de la Volga au nord de la Caspienne et s'installent là, et ils fonderont un khanat, leur fameux khanat des Kalmouks. Donc voilà, le prince prend ses sujets, fait une grande migration avec armes. Voilà, bagages, troupeaux, famille, et on peut s'installer. Et ce qui compte, c'est vraiment les gens. Donc ces populations bougent. Lorsque on fixe une frontière à Nertchinsk en 1689, il est précisé que les populations autochtones, enfin qui sont donc des évêques du côté de l'amour et peuvent bouger. Les frontières seront plus stabilisées, en particulier lorsque l'empire mandchou aura vraiment installé aura soumis complètement les différents mongols. Là, les mandchous, très proches de ces jésuites qui appréciaient beaucoup leur talent et leur science, font cartographier l'empire. Et là, à partir surtout du début du 18e, on voit que les Mongols sont dans des espaces qui sont bien délimités. Des espaces où les éleveurs sont toujours éleveurs et quand il le faut, prennent leurs armes et vont défendre ou participer aux conquêtes des Mandchous. Mais les frontières là sont par exemple beaucoup plus délimitées pour les Mongols. Elles se délimitent aussi un peu plus précisément vers l'amour. Mais pareil, les populations peuvent bouger un petit peu parce que ce sont des populations nomades. À l'époque plus moderne, là, cette sorte de frontière va se créer par exemple entre les Mongols au nord, la Mongolie extérieure, comme on l'appellera, et la Mongolie intérieure, parce que ce sont des moments où ces Mongols se sont ralliés à des époques différentes. Et là, il y aura vraiment des limites. Il y a aussi des limites fixées à l'intérieur. Par exemple, assez rapidement, les Mandchous vont interdire aux Han de s'installer en Mandchourie, de manière à préserver leur berceau. Alors, eux étaient plutôt installés au sud, au fur et à mesure des siècles, mais ils avaient aussi leurs cousins Evenk, qui étaient plus au nord. Et en fait, là, les frontières vont être plus fermées. Les Han n'ont pas le droit d'aller dans les territoires mongols. Les empires fonctionnent un peu comme ça. Il n'y a pas cette assimilation qu'on va voir avec le cadre de la République chinoise, puis de la République populaire de Chine, où là, il s'agit vraiment d'une assimilation des populations dans une grande civilisation qui nie l'espace. Mais sinon, il y a la reconnaissance des peuples à travers les minorités ethniques, aussi bien dans l'Empire soviétique, puis tsariste, puis soviétique, et puis en Chine, avec les minorités nationales. C'est ça, Thierry Sarment. Du côté russe, nous parlons avec Pierre le Grand d'une occidentalisation de la Russie, mais malgré tout, Pierre le Grand adapte sa politique à la réalité ethnique de son immense territoire. Alors, il l'adapte. Après, il y a un mouvement de longue durée qui va être les missions de conversion à l'orthodoxie des populations d'abord tatares, avec un succès mitigé, et puis des populations sibériennes progressivement. Donc, il y a une volonté d'assimilation qui va naître petit à petit. Et d'ailleurs, il y a un des premiers enjeux des échanges entre Chinois et Russes, ça va être l'autorisation d'avoir une église orthodoxe à Pékin. Voilà. Et du côté de l'Empire Mandchou, comme les Mandchous sont très minoritaires, évidemment, ils ont, on vient de le dire, leur méfiance vis-à-vis des Han. Ils ont joué une sorte de jeu d'équilibriste vis-à-vis de la population han majoritaire et puis vis-à-vis des Mongols qu'ils considèrent un peu comme des cousins. Oui, c'est ça. C'est que c'est une longue histoire, une histoire qui peut se comprendre que sur le temps long avec ce traité de 1689 qui est un point de départ en fait d'une très longue histoire, une très longue histoire qui nous conduit jusqu'au dernier empereur. Notre goûteur officiel a du courage. Bon nombre de mes ancêtres sont morts par le poison. Votre Majesté déjeune-t-elle ainsi tous les jours ? Eh oui, tous les jours. Un vrai théâtre. Je ne sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça. Comment tue-t-on les empereurs à l'Occident ? L'empereur d'Autriche a été fusillé, non ? Non. Mais son neveu fut assassiné juste avant la Grande Guerre. Mais en Russie, l'empereur a été fusillé. On l'appelait le tsar. Oui. Il nous avait volé beaucoup de terres en Mandchourie. Je suis moi-même Mandchou, même si on vit en République, ça reste mon pays. Un extrait du Dernier Empereur, le film de Bernardo Bertolucci en 1987, avec, ce 20e siècle qui marque aussi la fin de ces deux empires. C'est ça aussi, Thierry Sarment, qui fait que cette histoire est passionnante. C'est que, bah, évidemment, il n'y a plus de Russie tsariste et il n'y a plus... Heureusement, ce n'est pas un jugement. Non, mais voilà, la Russie tsariste disparaît avec la révolution bolchevique. Et puis, mais c'est pareil au XXe siècle pour la Chine. Et pourtant, la politique continue. Toutes ces notions que nous évoquons depuis le début de l'émission se poursuivent. Des deux côtés, en dépit des idéologies, les empires subsistent avec éventuellement des idéologies communistes. Mais on voit bien que, par exemple, que la Mongolie est restée, la Mongolie ex-extérieure et maintenant Mongolie tout court, reste un enjeu entre la Russie et la Chine. Et cette frontière de l'amour, il est bien certain que les Chinois restent très, très mécontents d'avoir perdu de grands territoires au XIXe siècle. Et si la Russie venait à s'affaiblir, par exemple, à l'occasion de sa guerre en Ukraine, on pourrait imaginer qu'il y ait, dans quelques années, des remises en cause. Oui, parce que Marie-Dominique Even, bien sûr, nous sommes en réflexion autour de l'actualité et toute cette histoire que nous évoquons depuis la Chine est encore une histoire réfléchie. La notion de frontière, de territoire autour de la Mongolie n'est pas questionnée, mais fait partie de l'histoire. On le sait bien, on a conscience que ça a été fixé à un moment. Oui, disons que ce qui se passe, la conscience d'appartenir à un groupe ethnique ou à un autre est très forte à l'époque de l'Empire Mandchou. Les Mandchous, comme là on l'entend, je suis Mandchou. Les empereurs Mandchous ont toujours sont nés de père Mandchou et de mère Mandchou. Alors, il y a d'autres princesses, des concubines, mais la mère devait être Mandchou. Donc c'est l'importance d'appartenir à cette lignée des fondateurs. Mais en fait. Les Russes sont beaucoup moins nombreux que les Han. Donc là, il y a une sorte de grand déséquilibre et en plus une attitude aussi d'assimilation à leur civilisation portée par les Han, qui peut être, qui est aujourd'hui très très différente de ce qu'elle pouvait être dans l'Empire Mandchou, qui portait très haut la culture. Les empereurs Mandchous ont porté très haut la culture chinoise, mais en même temps, en différenciant bien et en assimilant pas, en laissant les populations parler leur langue, avoir leur religion, garder leurs souverains locaux. En revanche, la Chine a une population très importante et dès la chute des Qing, l'idée a été de récupérer tout cet Empire Mandchou à son profit et d'en faire une grande nation. Et pendant un moment, quand il y a eu les communistes, il y a eu cette idée de garder les populations des ethnies minoritaires en leur promettant une grande autonomie, comme avait été fait à l'époque de Lénine. Mais ce n'était pas l'idée des nationalistes qui, eux, pensaient faire une grande Chine, et c'était déjà présent dès la fin de l'Empire Mandchou. En revanche, aujourd'hui, Xi Jinping, on le voit, tend à vouloir effacer cette notion même d'ethnie qui, selon lui, empêcherait la bonne intégration. Et donc, on se retrouve avec une destruction des cultures, des langues de ces populations, ce qui n'est pas encore le cas en Russie. Ben, merci beaucoup pour cet écho à l'actualité, après avoir parlé de cette longue histoire entre la Russie et la Chine. Merci Thierry Sarment, je rappelle. Pierre Legrand, chez Perrin et 1715, La France et le Monde, Tempus. Merci beaucoup Marie-Dominique Even, vous êtes venue avec la revue des études slaves. Et puis, merci Aurore Dumont de nous avoir parlé des Evinques et de nous avoir parlé aussi beaucoup d'amour dans cette émission. Le fleuve, mais quand même, de l'amour. Il est temps, avec amour, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Avez-vous vu le moine qui montre ses seins dans la basilique de Vézelay? Le souci récent de combattre les préjugés qui alimentent cette forme de discrimination qu'on appelle la transphobie a conduit un petit nombre d'historiens à s'interroger sur la manière dont la question s'était posée dans le passé. Ces recherches ont montré que la transidentité n'était pas un phénomène nouveau puisqu'on en trouve déjà des exemples dans l'Antiquité. Dans le cadre de cette chronique, je me limiterai à un seul exemple qui concerne le royaume de France à l'époque médiévale. Lorsqu'on se promène dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, on aperçoit, dans le bas-côté nord, un chapiteau où l'on voit un homme qui montre ses seins. Il s'agit d'une représentation sculptée d'une scène rappelant l'histoire de Sainte Eugénie, une vierge qui a subi le martyre à Rome en 257, du temps de l'empereur Valérien. Sa légende a été consignée dans des textes rédigés en latin ou en grec au 6e et 7e siècle. Fille du proto-consul d'Égypte, Eugénie décida de rejoindre une troupe de moines musiciens. Pour pouvoir partager leur vie, elle se fit couper les cheveux, revêtit des habits d'homme et prit le nom d'Eugène. Elle devint très populaire au sein de son monastère, notamment pour ses dons de guérisseuse. Un jour, Mélantia, une femme qu'Eugénie avait guérie, voulut lui offrir ses charmes parce qu'elle croyait qu'Eugénie était un homme. Humiliée par son refus, Mélantia l'accusa alors de l'avoir violée. Lors du procès qui s'ensuivit, Eugénie révéla la vérité en déchirant sa tunique pour montrer à la foule un sein qui n'avait rien de masculin. C'est cette scène du procès qui est représentée sur le chapiteau de Vézelay. À la gauche d'Eugénie se trouve le juge et à sa droite la femme qui l'accuse. Eugénie fut acquittée, mais elle se convertit ensuite au christianisme et c'est ce qui causa sa perte. Étant donné qu'aujourd'hui la binarité des genres masculin-féminin semble intrinsèque au christianisme, il peut paraître surprenant qu'un tel changement d'identité ait été possible au Moyen-Âge. Pourtant, depuis la fin de l'Antiquité chrétienne, les exemples, romancés ou réels, de personnes assignées femmes ayant volontairement ou non pris l'habit et l'identité d'hommes, parfois durant leur vie entière, n'étaient pas rares. Des femmes réputées viriles, parfois appelées viragines, virago au singulier, dirigeaient des armées, comme ce fut le cas pour Mathilde de Toscane au XIe siècle. Au-delà d'Eugène, Eugénie, plus d'une trentaine de saintes ont été célébrées par l'Église alors qu'elles avaient porté un habit masculin. D'un point de vue sociologique, on peut penser que c'est le croisement entre cette tradition de virilité féminine et l'idée d'une féminisation des moines qui a permis l'émergence de la figure transgenre sculptée à Vézelay. Néanmoins, il ne faut pas exagérer l'importance du phénomène. Au Moyen-Âge, le fait de porter les habits de l'autre genre était puni par la loi et la transidentité, bien qu'elle puisse se référer à un idéal de vie remontant au paléo-christianisme, ne pouvait être vécue que de manière exceptionnelle, illicite ou cachée. Comme on l'a vu dans une autre chronique, Jeanne d'Arc fut brûlée comme sorcière, notamment parce qu'elle avait endossé la tenue militaire réservée aux hommes. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, une émission préparée par Valentine Lovrins, Marion Dupont, Anne Toscane-Viudet, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.